Ndikomanyanga. Jeudi 24 février 2022, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganeroa sous journal et de la mi-journée. Donc voici d'abord le sommaire. L'association qui milite pour la sécurité routière salue la mesure du ministre de la Sécurité publique interdisant l'accès des taxis motos, taxis vélos et tricycles depuis le 11 mars prochain dans certaines zones de la capitale économique Bujumbura, Nixon, Hibimbonimana. Demande cependant qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous allons revenir sur cette mesure. Les conducteurs de ces engins opérant au sud de la capitale Bujumbura n'ont pas tardé à réagir. Ils s'inscrivent en faux contre cette mesure et demandent qu'elle soit revue. Et le pont Rédian à la commune Mugui avec la commune Rugombo est impraticable depuis quelques jours. Les habitants de Mugui qui passaient par ce pont, surtout des commerçants, disent enregistrer des pertes énormes et demandent que ce pont soit réhabilité. Erika Dogo assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la sécurité routière. Le ministre ayant chargé la sécurité publique appelle la police de roulage à sanctionner tous les conducteurs de véhicules qui font des dépassements interdits, y compris les policiers ou même les militaires. Lors de la réunion de ce mercredi sur la sécurité routière, il a été constaté que ces dépassements interdits causent pas mal d'accidents. Suivez Gervain Dirakoucha, le ministre en charge de la sécurité routière. Il y a la question relative au dépassement des ordres. Les responsables sont souvent les chauffeurs policiers et militaires. Je demanderai à l'inspecteur général de la police de faire des sensibilisations à travers l'état-major opérationnel. Nul n'ignore que tout le monde est pressé, mais quand il y a une intervention à faire, là c'est compréhensible. Mais nous déplorons plutôt que, pour la plupart des fois, c'est des agents de transmission qui sont conduits à bord de ces voitures. Je demande donc aux responsables de la police de se concerter avec ceux de l'armée pour trouver une solution à cette problématique. Je demande aussi à ceux qui assurent l'ordre dans toutes les routes de sanctionner tous les récalcitrants, même les agents de la police et les militaires. C'est vraiment déplorable. Je ne comprends pas comment ils peuvent se permettre de bloquer la circulation. Je demande donc aux responsables de la police de se concerter avec ceux de l'armée sur cette question. Le ministre en charge de la sécurité publique a été traduit en français par Robin Niyonguru. Une nouvelle zone de délimitation interdite aux motos, vélos et tricycles d'Ibadjaj ou Tuktuk a été décidée. C'est dans une réunion que le ministre ayant la sécurité dans ses attributions a tenu à l'endroit de la police de roulage et les administratifs de la mairie de Bujumbura hier. Cela fait suite à la recrudescence des accidents de roulage depuis le début de l'an 2021 jusqu'au mois de janvier 2022. Ces accidents ayant emporté la vie de 130 personnes selon la police de roulage. La nouvelle mesure sera en vigueur dès le 11 mars. C'est les détails avec Jérôme Akitiman. Au cours de cette réunion organisée par le ministère ayant la sécurité dans ses attributions, lieutenant-colonel Athanase Bukayeneza, le chef du service de prévention au sein de la police de roulage, a révélé la proposition de la nouvelle zone interdite aux motos, aux vélos et aux tricycles dans le secteur sud. Il s'agit du pont Kanyosha, du pont de la 12e avenue de Musaga et de la route nationale numéro 7 au niveau de l'endroit communément appelé Kulibonesha, ce qui veut dire que ça concerne toute la zone de Musaga, y compris le quartier Gasekebuye. Dans le secteur centre, dans la commune Mukaza, désormais ces véhicules ne vont plus dépasser le campus Kiriri sur le réseau Emugoboka a proposé ce service de prévention au sein de la police de roulage. Et pour le secteur nord, cette nouvelle délimitation commence au niveau du château d'eau, passant par le chef-lieu de la zone Guihosha, puis le marché de Gasegni, la rivière Gasegni, par la gare du Nord à la première avenue, par l'école libre, au barrage commune dans la zone Ngagara, la 15e transversale à Malamvia dans la commune de Mutimbuzi et la rivière Mutimbuzi vers Gatumba. Le ministre Gervais Ndirakobucha a précisé qu'à partir du 11 mars, aucun de ces véhicules concernés n'aura droit d'accéder dans cette zone à l'exception de ceux de l'État. Selon ce ministère ayant la sécurité dans ses attributions, 130 personnes ont perdu leur vie dans des accidents de roulage au cours de l'année 2021 jusqu'au mois de janvier courant à raison de l'ignorance du code de la route. C'était Jérôme Hakizimana. Des conducteurs de vélos, de motos et de tricycles au sud de la mairie de Bujumbura s'inscrivent en faux contre la mesure du ministre en charge de la sécurité leur interdisant de dépasser le pont Kanyosha depuis le 11 mars prochain. Selon eux, c'est une mesure qui leur cause de manque à gagner et demande plutôt qu'elle soit révisée. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro espèrent que l'État va s'asseoir sur cette décision pour l'intérêt de toute la population. Suivez-le au micro-baladeur de notre station. Tout le monde s'inscrit en faux contre cette mesure. En tant que conducteur de taxi-vélo, si on nous limite comme ça, c'est fini le travail. C'est comme si on le disait clairement qu'ils ne veulent pas nous voir en mairie pour nous renvoyer à l'intérieur. Comment allons-nous vivre? La vie d'un simple citoyen s'arrête. On n'aurait plus d'argent de versement. Même les enfants mourraient de faim. Nous voudrions que la décision soit revue afin que la zone de travail ne change pas. Nous prenons acte de la décision, mais quand une mère refuse d'allaiter l'enfant, elle peut traîner, mais elle est sur soi sur sa décision. Ils vont peut-être revoir cette décision pour le bien-être de la population s'ils entendent ces plaintes. Ils vont considérer les pleurs de la population. Limiter de dépasser le pont Kanyosha, c'est impossible. Comment est-ce que nous allons vivre? Si jamais nous trouvons un client de Kibenga et ailleurs, dépasser le pont, ça sera impossible. On n'aura plus d'argent. Où vont opérer ces véhicules? Les vélos, les motos, les tricycles ne peuvent pas quitter la capitale. Ça serait difficile pour les citadins et le banditisme sera recrudescent. Il y aura donc plus de sécurité. C'est vraiment triste car beaucoup de familles survivent grâce à ces véhicules. De toutes les façons, le chef de l'État va analyser cette situation. Sinon, on nous aura étouffés. Comme le gouvernement est pieux et laborieux, qu'ils allègent vraiment, ces véhicules sont vraiment nombreux. Imaginez une personne qui a déjà passé une commande de 5 tricycles qui n'ont pas encore fonctionné et qui arrive à tout moment. À quel sens va-t-elle se vouer? Je vous le dis en titre, l'association qui milite pour la sécurité routière salue la mesure du ministre de la Sécurité publique interdisant l'accès de motos, de taxi-vélos et de tricycles depuis le 11 mars prochain dans certaines zones de la capitale économique Bujumbura. Mais cependant, Nixon Habonimana demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement. On l'écoute. Nous sommes satisfaits du fait que nos plus hautes autorités commencent à se pencher sur la question de l'insécurité routière vis-à-vis des personnes qui perdent leur vie sur nos routes. Nous constatons qu'il y a un constat amer au niveau de nos routes parce que nos routes deviennent de plus en plus criminelles. Avoir la façon dont se comporte la plupart des usagers de la route parce que certains d'entre eux ne connaissent pas le code de la circulation routière en vigueur parce qu'empêcher une catégorie d'usagers de la route, nous trouvons que ça ne suffit pas. Parce que ce ne sont pas seulement ces tricycles ou bien ces motos motards qui causent essentiellement des accidents. Même avant leur venue, il y avait beaucoup d'accidents, il y avait beaucoup de personnes qui perdaient leur vie. Souvenez-vous les dégâts que causent les chauffeurs des bus. Souvent, on constate que la police de la sécurité peut-être qu'elle a été mise sur pied pour contrôler uniquement les véhicules des privés. Mais pourquoi les véhicules de l'État, les véhicules de la police ou bien de l'armée ne sont pas contrôlés et aussi causent beaucoup de dégâts innombrables. Nous voulons qu'il y ait vraiment tolérance zéro sur nos routes. Aussi, nous pensons que l'important est de prendre des mesures telles que l'éducation à la sécurité routière. Pour nous, nous sommes satisfaits à 20% seulement. Et parce que, disons, c'est une des vingtaines de mesures qui pouvaient être prises parce que la mesure pour nous ne va pas diminuer les accidents de la route, ne va pas diminuer les personnes qui perdent leur vie. La solution principale, la solution première est qu'il y ait ce qu'on appellerait tolérance zéro sur les routes du Burundi. Il faut que la loi soit appliquée. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page à société. À présent, les habitants des quartiers Kinyinya 1 et 2 de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, sont envahis de nouveau par les eaux de la rivière Rusizi, selon leur dire. Ces sinistrés disent que l'État leur avait promis la construction d'une digue et souhaitent que la promesse soit tenue. Ces habitants craignent déjà des maladies liées au manque d'hygiène. De Bujumbura, rendons-nous à Chibitoke où les habitants de la commune Mugui, surtout de la zone Nebuhindo, grognent que le pont qui relie leur commune avec la commune Rugombo peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Ils affirment qu'aucun véhicule ne peut passer sur ce pont alors que les véhicules permettaient l'écoulement de leur production et le transfert des malades vers l'hôpital de Chibitoke. Ils crient à la réhabilitation de ce pont. L'administrateur de la commune Mugui indique qu'il est à la recherche des bienfaiteurs qui peuvent réhabiliter cette infrastructure combien importante pour sa commune, n'est-ce pas Alexis Dailogic? Ce pont relie la commune Mugui à la commune Rugombo sur la rivière Muhira. Les habitants de la zone Boyindo, utilisateurs souvent de ce pont, indiquent que ce dernier vient de passer plus de 5 ans en mauvais état, étant non praticable surtout pour les véhicules, tout en indiquant que bientôt il peut s'écrouler. Ces habitants de Boyindo affirment que ce pont facilite l'écoulement de leur production, surtout composée d'ananas, de kivumbu, du manioc, des bananes, du vin de banane, communément appelé Rugombo, pour n'en citer que cela. Après l'écoulement de ces produits, ce pont permettait l'évacuation et le transfert des malades par l'ambulance, autres véhicules vers l'hôpital de Chibitoke. Les utilisateurs de ce pont précisent bien que même les motos ont du mal à franchir le pont où les conducteurs de ces engins doivent nécessairement les poser lorsqu'ils arrivent sur ce pont. Les habitants en nécessité de ce dernier sur la rivière Muhira demandent sa réhabilitation afin de répondre à leur doléance. L'administrateur de la commune Mugui, Merkenzo Kizwanayo, indique que la commune est en train de chercher les bienfaiteurs qui peuvent assister dans la réhabilitation de ce pont tout en indiquant que la caisse de la commune n'est pas à mesure de réhabiliter cette infrastructure. L'administrateur Merkenzo Kizwanayo précisant que cette situation est connue de ses autorités hiérarchiques mais au haut niveau. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale, s'est ouvert ce jeudi 24 février 2022 à Kinshasa le 6e sommet des 5 chefs d'État et de gouvernement sur l'accord d'Addis Abeba. Tous ces chefs d'État, dont la plupart sont des dirigeants des pays voisins à la République démocratique du Congo, vont prendre part à ces assises consacrées à l'évaluation des engagements pris par les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et ses voisins de la région des Grands Lacs. Une attaque d'envergure après l'annonce d'une opération militaire par Vladimir Poutine et le président russe. Des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien jeudi 24 février, notamment depuis la Crimée et la Biélorussie. Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tchernigov au nord, à la frontière biélorusse, soumis au nord-est à la frontière russe, Lugarisk et Kharkiv à l'est à la frontière russe, ont apporté les gardes frontières ukrainiens une déclaration de guerre surprise. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi matin une opération militaire en Ukraine pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'est du pays, malgré les sanctions infligées par l'Occident. Dans cette prise de parole surprise à la télévision russe, il a appelé les militaires ukrainiens à déposer les armes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Serafine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.